On peut dire que dans un sens, tout ça n'a plus d'importance. Même si on te montre du doigt, cela ne changera rien pour toi. On a beau avoir la foi, on ne fait pas toujours les bons choix. Mais la seule chose qui doit compter pour toi, c'est l'enfant dans tes bras. Dépassé par les circonstances, tu maudis ta malchance. Mais lâchez-le-moi, je sens conscience, ne se fait pas sans conséquence. Et toutes ces ruines-là au fond de tes yeux t'ont rendu d'un coup plus vieux. Oh, le mal est fait, on peut même plus colmater la plaie. La seule chose qui doit compter maintenant pour toi, c'est l'enfant dans tes bras. La seule chose qui doit compter pour toi, c'est l'enfant.